L'agonie, chapitre 10. Le cortège passa lentement sous les yeux atterrés des clients de Typhochronos. Des prêtres mitrés du soleil, précédés des Saliens, à tuniques brodées et à robes prétextes, ceints d'un ceinturon de cuivre et couverts d'un bonnet pointu, qui, une épée à la main droite et au cou un bouclier en cils suspendu, dansaient un pas pyrrhique. Des pontifes, dont la robe était bordée de pourpre et le bonnet était de feutre, agitaient une légère baguette terminée par l'apex, touffe de laine, et entouraient le char, plaqué d'ivoire et d'argent, portant le feu sacré, gardé dans un plateau de bronze, et le palladium, belle et grande statue de Minerve casquée, des turquoises dans le trou des yeux, le sein bardé de la peau de la chèvre amaltée, et armé d'une lance et d'un bouclier. Et ce bouclier avait au milieu une tête de gorgone, chevelue de serpent. Il y avait également des mystes de Pan, des galles de Cybèle, confondues avec les prêtres d'Isis, laquelle menaçait d'absorber les divinités femelles. Car, plus qu'elle, elle représentait, avec ses mamelles multiples, pendant sur son ventre noir, la nature et ses forces. Des augures à la trabée rayée d'écarlate, qui étudiaient le destin dans le vol des pivers, des aruspices qui interrogeaient les entrailles des bêtes égorgées, des septemvires qui préparaient les fêtes publiques suivant les rites sacrés, des sodales adorant les empereurs morts, enfin les sectateurs des innombrables religions qui se partageaient Rome. Ce cortège poussait des bœufs, des moutons et des brebis enguirlandés de feuillage qui, meuglant et bêlant, couraient allègrement à leur égorgement. Derrière Elagabalus c'était, en un balancement lent, un balancement voluptueux, une large litière portée par 16 esclaves, où 2 femmes étaient couchées et dont les étoffes polychromes, les draperies à striures violentes se nimbaient de la fumée de parfums brûlants dans de grands vases fichés à ses 4 coins. Puis, fermant la procession, des soldats, des prétoriens sanglés d'or, et heurtant une pique d'or à un bouclier d'or, des cavaliers, beaucoup de cavaliers de toutes armes. Des sagittaires élevant des arcs très hauts, des cataphractaires dont le dos se bombait en écaillements mouvants, des scutaires qui brandissaient des boucliers oblongs, des barbares africains qui chevauchaient sans éphipia et sans étrier sous des verticalités roides d'enseignes, de hampes terminées par une poignée de foin, une main ou une bête quelconque, coq, sanglier, aigle, louve. Et enfin, accourant de toutes parts, de la foule tumultueuse, immense, épaissie de plus en plus. « Les reconnais-tu ? » dit tout à coup l'Égyptien à Nicodémès. « Reconnais-tu Attilius et son affranchi ?» Et, désireux de tout voir, nullement indigné du sacrilège d'Elagabalus, il lâcha les Grecs, le barbier et ses clients, harcelés par Atta et Zopiscus, qui, après avoir un instant hésité, le saisirent par son diploïs, l'arrêtèrent par une aile de sa calantica. « Tu ne connais pas Rome, je t'accompagnerai. Je serai ton défenseur, ton guide et ton appui. » Il criait dans le tonnerre des chants et des instruments, où, à des clameurs de voix humaines, se cadençaient des musiques éclatantes de trompettes de fer et d'harmonies précipitées de lyres, de sistres, de tympanons et de syrinx. La foule énorme, une mer submergente, les entraîna vers le temple du soleil, au Palatin, où Elagabalus allait déposer les objets sacrés enlevés à la vénération romaine et auxquels, depuis des siècles, nul n'avait osé toucher. Ils roulèrent avec des dos devant, des dos d'esclaves et de plébéiens, des poitrines derrière, poussant, aiguës, leurs épaules pressées, traversèrent sans rien voir par instant que des extrémités de lance, des casques de cavaliers et des fuites de têtes de chevaux, s'arrêtèrent au milieu de forums, bordés de maisons hautes, aux fenêtres et aux toits desquels des gens s'exclamaient, pendant qu'imperturbablement Elagabalus, sur son tronus oscillant, présentait à tous, comme un ostensoir, le cône de vie. Amon, voulant voir de près Madée et Attilius, Atta et Zopiscus le prirent chacun à un bras, et, en quelques minutes, par des trouées féroces faites à même dans la foule, qu'il leur répondait par des coups, ils gagnèrent le cortège. Maintenant leur apparurent mieux Attilius, à la tête d'une turme de cataphractaires écaillés du col aux pieds, bondissant sur des chevaux, comme eux revêtus du poitrail aux quatre sabots, et Madée, en arrière, hissé sur un cheval noir. De la distance d'Amon et de ses compagnons, l'armure de l'un, son casque et son manteau bleu flottant en chlamys, la mitra jaune et blanche de l'autre, les torques d'or de son col, les éclats de sa robe qui pendaient comme une tapisserie, avec des trames de couleurs voyantes et des dessins de choses extraordinaires, faisaient des allumements à aveugler. À côté de l'Égyptien courait un homme du peuple, dont la face rougeaude, les cheveux crépelés, allait, venait, en une évidente inquiétude. Parfois il le dépassait, s'enfonçait dans des groupes, la tête baissée, les poings fermés en arrière, puis il revenait, se hissait sur ses pieds mal chaussés de grosses sandales, et, mettant une de ses mains sur les yeux, criait des mots inconnus. Ensuite il s'immobilisait, comme découragé, suant et trépidant, pour recommencer encore, foncer à nouveau dans la foule qui l'enveloppait, et l'enserrait. Il était évident que celui-là aussi voulait approcher d'un personnage de la cérémonie, qu'il désirait voir et parler à quelqu'un paradant dans le cortège d'Elagabalus. Cet homme rougeaud donna un fort coup de coude à Atta, qui, le reconnaissant, voulut entraîner Amon plus loin. Mais il fut immédiatement ailé. « Frère Atta, pourquoi m'éviter ainsi ?» C'était Gaël, contrit, fatigué, qui le tirait à lui, au risque de l'arracher à Amon, que de son côté tirait à lui Zopiscus. « Je ne t'évitais pas, Gaël, au contraire, au contraire !» Et Atta balbutiait, craignant que cette rencontre ne lui enlevât Amon, c'est-à-dire la Senna, à laquelle Zopiscus songeait aussi. Il le voyait bien. Habilement, il se défit de l'étreinte de Gaël, qui fit ingénument. « Il y a près de l'empereur un homme de ma race, un ami de mon enfance, qui sera notre protecteur quand les gentils voudront nous persécuter. Nous nous reposerons sur lui. L'empereur nous laissera en paix. Et même il placera Christos à côté de sa pierre noire, qui est pour lui le signe de la vie, comme l'agneau l'est pour nous. « Malédiction !» cria Atta, élevant les bras, puis dominant de son menton en rostre, de son rictus sévèrement creusant la glabréité de ses maxillaires, Gaël qui s'interdit fort. Ami de Zal, oriental comme Zal, rien ne lui était plus naturel aussi que de rendre Christos égal à la pierre noire, vénéré par Madée et déifié par Elagabalus. Mais encore Atta protesta, cependant sans grand danger pour la Senna, car ses protestations, nullement entendues d'Amon et de Zopiscus, furent recouvertes par les rumeurs de la foule. S'affermissant de plus en plus, il prit un air douloureux et comminatoire. « Pourquoi suis-tu cette procession d'iniquité ? toujours fort de son habitude de traiter de haut les chrétiens humbles comme Gréel, les simples travailleurs ignorant sa vie au dehors et ne le voyant que dans leurs assemblées où ils discutaient des difficiles dogmes de Christos, en sectateurs rigides et pieux, en hommes de bonnes œuvres et d'une implacable austérité. Aussi les chrétiens, gelés par sa vertu d'apparat, frayaient peu avec lui, surtout les pauvres comme Gréel, et osaient-ils à peine lui parler. Cependant cette question jurait trop avec sa propre présence, car Gréel répondit fermement. « Mais toi aussi tu la suis. Moi je veux parler à Madé, à mon jeune frère Madé, que je n'ai vu qu'une seule fois depuis son arrivée à Rome avec Elagabalus. » Atta eut un geste indigné qui lui fit maladroitement lâcher le bras d'Amon que Sopiscus entraîna alors. Un flot de poitrine, un flot d'épaules les séparèrent. Les deux chrétiens, seuls, se dévisagèrent. La tunique noire d'Atta faisant face au sayon grossier de Gréel, dont le crâne, crépelé et bas, s'offrait nu au soleil, pendant qu'un rouleau, d'où pendaient de rouges cordelettes, celui du poète Sopiscus, un instant émergea dans un éloignement de foule, brandi au-dessus des têtes, en signe de triomphe qui ne se respectait plus. Comme il eût voulu, Gréel priait Madé de s'arrêter et de l'emmener avec lui. Mais toujours le chant des prêtres, le piétinement des chevaux, les acclamations de la foule, les éclats en multiplication de rythmes des instruments avant, à cordes, à percussions. Flûtes aiguës, harpes bondissantes, tambourins frappés avec une baguette recourbée, sistres frétilleurs, crotales claqueteurs joués en mouvement de bras nus et de poitrine nue. Toujours l'imperturbable marche d'Elagabalus, sa face aux teintes plates, d'or, de vermillon et de céruse, fardée comme une face d'idole. Son profil de médaille et son imposition du cône noir, semblable à un membre viril, élevé, abaissé en adoration colossale. Et ce cône, on ne voyait que lui. On n'apercevait que l'orgueilleuse domination de sa verticalité, coupant circulairement l'air bleu, avec des appels à la foule pour son culte, le culte de la vie en activité. Il eût même crié, Gréel, que Madé n'eût point entendu, et pas seulement à cause du bruit. C'est que la franchie était tout heureux de se parader auprès d'Attilia, dans la lectique avec Semias, et de s'arrêter aux légères haltes quand les 16 esclaves se faisaient relayer de 100 en 100 pas. Ses regards, à lui, croisaient alors les siens qui étaient tout songeurs sous la patte tendre du phare et le trait noir des sourcils. Ils allaient, bizarrement émus, de ses yeux à sa gorge qu'une cyclase au reflet d'or, au transparement clair comme une eau irisante, rendait adorablement animée. Même il s'arrêtait à un bout de cuisse blanche, encerclé d'anneaux gemmés, passant, impudique, par un bout de cette cyclasse. Aussi, une heure délicieuse, toute bizarrement écoulée, reparaissait en lui, et, en ressaisissant les formes flottantes, il n'était charmé que par elle. D'elle, il n'était qu'occupé.